السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Nous reprenons l'étude de 10 règles relatives au mois et au jeûne du mois de Ramadan. Et les savants ont réuni ces questions car elles sont les plus importantes et les plus fréquentes. Nous avons donc vu et étudié dans un premier point la définition du jeûne, son jugement, sa place dans la religion. Quand est-ce qu'il a été rendu obligatoire aux croyants et la sagesse pour laquelle il a été légiféré. Donc le jeûne, c'est une adoration. Ça n'est pas une habitude, c'est une adoration qui consiste à s'abstenir de manger, de boire et de faire tout ce qui annule le jeûne, et ce, à titre d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ce, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et on a vu que c'était une obligation religieuse, comme Allah Azza wa Jalla l'ordonne dans le Coran, le prophète alayhi salatu wa salam dans la sunna. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyam, vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit. Quant à sa place dans la religion, c'est le quatrième pilier de l'islam, comme dans le hadith de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, bunya l'islamu ala khams. L'islam repose sur cinq piliers, parmi lesquels le jeûne du mois de Ramadan. Et il a été légiféré, rendu obligatoire en l'an 2 après l'Égypte. Le deuxième point que nous avons étudié, c'est quels sont les deux signes par lesquels on peut témoigner de l'entrée du mois de Ramadan. Le premier signe, c'est la vision de la nouvelle lune. Et le deuxième signe, c'est compléter le mois de Sha'ban, 30 jours. La troisième question que nous avons étudiée, shurut wujub as-siyam, et les conditions de l'obligation du jeûne. Et ma langue avait fourché, j'ai dit le point numéro 4. Or, c'était le numéro 3. Donc, il faudra enlever un chiffre au suivant, pour chacun des points suivants. Le troisième point, les conditions d'obligation du jeûne. Et nous avons vu qu'il y en avait 6. C'est-à-dire les choses qui, dès lors, qu'elles sont réunies sur la personne, elle se voit dans l'obligation de jeûner. Les choses qui, dès lors qu'elle se réunit sur une personne, elle se voit dans l'obligation de jeûner. Il s'agit de l'islam, al-aql, la raison, al-boulour, la puberté, al-qudra, la capacité, al-iqama, le fait d'être résident et non voyageur, et al-salamatu min al-mawani', l'absence d'empêchement, c'est-à-dire l'absence de menstrues ou de loshi. Quand ces 6 conditions sont réunies, la personne se voit dans l'obligation de jeûner. Le quatrième point que nous avons étudié, shurutu shihhati siyam, les conditions d'authenticité du jeûne. Pas d'obligation, mais d'authenticité du jeûne. On a mentionné l'islam, on a mentionné l'aql, la raison, at-tamyiz, le discernement, donc compléter 7 ans ou bien être capable de comprendre et de répondre. L'arrêt des menstrues ou bien des lochis. Enfin, mettre l'intention avant le fajr. Donc, 5 conditions lorsqu'elles sont réunies, le jeûne est obligatoire. Ainsi, on comprend que le jeûne de l'enfant est louable et valable. Mais si il n'a pas la capacité de jeûner parce qu'il est faible ou autre, on ne lui dit pas de jeûner. On ne l'encourage pas à cela. Et s'il a la capacité de jeûner et il supporte bien le jeûne, alors on l'encourage, comme le faisaient les compagnons avec leurs enfants. Comme les compagnons le faisaient avec leurs enfants. Le cinquième point, al-asbabu al-mubihatu lil-fitr. Al-asbabu al-mubihatu lil-fitr. C'est-à-dire les causes qui permettent l'interruption du jeûne. Les causes qui permettent l'interruption du jeûne ou de ne pas jeûner. Les causes qui permettent de ne pas jeûner. Après avoir compris que le musulman avait l'obligation de jeûner et les conditions qu'il fallait réunir pour cela, les savants nous mentionnent qu'il y a des cas où la personne peut ne pas jeûner ou doit même ne pas jeûner par miséricorde d'Allah Azza wa Jalla envers sa personne pour se préserver. Comme la maladie qui affecte la personne en jeûnant, soit en retardant la guérison, soit en aggravant la maladie. Comme le voyage, la personne qui est en voyage a la permission de rompre le jeûne. Précisément, elle a le choix entre jeûner et ne pas jeûner. Naam. La personne qui voit l'écoulement de sang, naam, les démenstrues de Yoshi, son jeûne est rompu. Donc elle peut rompre plus encore. Elle doit rompre le jeûne. Elle doit rompre le jeûne. Naam. Al-Ajiz, celui qui est incapable de jeûner parce qu'il est âgé. Celui qui est incapable de jeûner parce qu'il est âgé mais a toujours sa raison. Lui, il rompt le jeûne ou il ne jeûne pas, mais il devra nourrir pour chaque jour un pauvre. Il devra nourrir pour chaque jour un pauvre. Naam. Le sixième point sur lequel nous sommes arrêtés, al-mufattirat. Mufsidat us-siyam, les choses qui annulent le jeûne de la personne. Les choses qui annulent le jeûne de la personne. Premièrement, al-aklu wash-shurb, le fait de manger et de boire. Le fait de manger et de boire. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir, c'est-à-dire le fajr, le fil blanc du fil noir du fajr, puis complétez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc ici on a la définition du jeûne. Ça consiste à s'abstenir de faire des choses dans un temps particulier. Et dans le hadith Qudusi, Allah Azza wa Jal nous dit « Yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli » Rawahu al-Bukhari. Il délaisse sa nourriture, sa boisson et son plaisir pour moi. Donc, ceci annule le jeûne, le fait de manger, le fait de boire. Et manger, c'est-à-dire faire parvenir de la nourriture à l'estomac, par la bouche. Mais les savants ont rattaché à cela le conduit du nez. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Balir filistinchaq illa antakuna sa'ima » Mets fortement de l'eau dans les narines lorsque tu fais al-istinshaq, al-wudu, sauf lorsque tu es en état de jeûne. On comprend donc de ce hadith que le nez est un conduit qui mène à l'interruption du jeûne. Naam. Le deuxième annulatif est taqayyu. Ay amdan, le fait de se faire vomir. Quant à la personne qui vomit, sans que ce soit provoqué, elle n'annule pas son jeûne. Et Abu Hurayra radiyallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, man dhara'a al-qay' فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي. Quiconque a vomi involontairement, c'est-à-dire il n'a pas provoqué cela, qu'il ne rattrape pas. Et quiconque se fait vomir volontairement, qu'il rattrape, c'est-à-dire ce jour. Ainsi, celui qui a été contraint, on tire de ce hadith que celui qui a été contraint n'est pas, il n'a pas rompu son jeûne et n'a pas le rattrapé. Naam. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, rahmatullahi alayhima. Et quelle que soit la manière entreprise pour vomir, que ce soit en mettant ses doigts au fond de la gorge, que ce soit en sentant une odeur nauséabonde dont il sait que ça le fera vomir, ou regardant une chose, sait que ça, qu'il en a horreur, ça le fera vomir, et ainsi de suite. Le troisième annulatif du jeûne, c'est la sortie du sang des menstrues ou bien des lochis. Que ce soit peu ou beaucoup, à partir du moment où cela a lieu avant le maghrib, ça annule son jour, même si c'est juste avant l'heure du coucher du soleil. Et ce qui compte, c'est la sortie du sang et non pas les ressentis au bas-ventre ou les signes précurseurs. Et Aïcha radiallahu anha nous dit, on nous a ordonné de rattraper les jours de jeûne lorsque nous étions indisposés. Et on ne nous ordonnait pas de rattraper les prières. Le quatrième annulatif du jeûne, c'est le maut, c'est la mort. Car le prophète alayhi salat wa salam a dit, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Lorsque le fils de Adam décède, ses œuvres s'arrêtent sauf trois. Naam. Une aumône qui perdure, une science dont continue à tuer profit, un enfant pieux qui invoque en sa faveur. Et la personne donc qui décède, ses œuvres s'arrêtent. S'il décède avant le maghrib, son jeûne est annulé. On ne dira pas de lui qu'il a un jour de jeûne. On ne dira pas de lui qu'il a un jour de jeûne. Puis dans les livres de fiqh, cela importe lorsque il a fait un vœu mada de jeûner, ou bien qu'il a commencé ce jour-là, ou bien qu'il avait des expiations à faire, puis il décède. Naam. Est-ce que ses proches, ses héritiers auront à jeûner ce jour ou pas? Dans les livres de fiqh est étudiée cette question. Le cinquième annulatif, c'est ar-ridda, le fait d'apostasier. A'adana Allah wa iyyakum min dhalik. Allah dit la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk. Si tu commets un acte de polythéisme, toutes tes œuvres deviendront vaines. Donc celui qui sort de l'islam alors qu'il est en état de jeûne, son jeûne est annulé. Naam, son jeûne est annulé. Et les œuvres de manière générale, ça n'est pas le simple fait de commettre le shirk, bien que ce soit le plus grand péché qui suffit à annuler toutes les œuvres de l'individu, mais c'est le fait de décéder sur cela. Ce sont les deux conditions qui font que toutes ses œuvres sont vaines. Par contre, s'il se repent et revient en islam, il maintient ses œuvres. Car Allah a conditionné que la personne décède sur le kufr. Naam, c'est muqayyad, comme on étudie ces termes dans la science de usul al-fiqh. Donc en ayant uni les textes, les savants sont arrivés à cette conclusion. C'est qu'on conditionne qu'il décède sur cela pour que toutes ses œuvres soient annulé. Barakallahu fikum. Le sixième annulatif, c'est qat'u niyyati siyam. C'est couper et rompre l'intention du jeûne. Pas se dire je vais jeûner, ou si je suis en voyage, si je trouve une épicerie avec de l'eau fraîche, je romprai le jeûne. Non. Ça, c'est au futur. Tant qu'il n'a pas fait, il n'a pas coupé. Par contre, si au présent, si en direct, présentement, il dit, je cesse mon jeûne. Avec son cœur, il se dit, je cesse mon jeûne, je romps le jeûne. Naam, la simple intention a coupé son jeûne. La simple intention a coupé son jeûne. Car le jeûne ne tient qu'avec la retenue et l'intention. Ce sont les obligations du jeûne. Al-imsak ma'an-niyya. Le fait de s'abstenir et de mettre l'intention. Lui, il a coupé son intention, donc il n'a plus de jeûne. Le septième, le septième annulatif du jeûne, c'est le fait d'avaler, naam, le mucus, plus précisément, ce qu'on appelle le mola. Donc, la personne qui a cela, qui descend de la tête, naam, puis avale cela, naam, il annule son jeûne. Il annule son jeûne. Mais si cela coule directement dans sa gorge, sans qu'il n'ait d'action à faire, naam, sans qu'il n'ait d'action à faire, alors il n'annulera pas par cela son jeûne. Naam. Pour les synonymes de ce mot, il y a le mot glavio, greillon. On essaiera de pas lié à ce terme qui est plus que familier vers ces autres termes-là. Mais il faudra pour au préalable les connaître. Donc mieux que les termes utilisés, le terme glavio avec un T à la fin et greillon. A-U-D-Z-O-N. Donc cela annule le jeûne. Parfois ça descend du nez. Ça arrive à la gorge. Il faut le recracher. Il faut le recracher. Si la personne volontairement avale cela, elle annule son jeûne. Par contre, ce qui remonte de la poitrine à la gorge puis est avalé, naam, ou descend directement derrière sans qu'on puisse le contrôler, cela ne coupe pas le jeûne. Cela ne coupe pas le jeûne. L'annulatif suivant, le huitième, el-hijama, la saignée, selon l'avis de certains savants. La saignée. Il y a de grandes discussions entre les savants quant à quant à cet annulatif, mais par précaution, le mieux est de ne pas faire al-hijama si ce n'est après le maghrib en cas de nécessité. On a cité aussi ikhraj al-mani amdan, le fait de faire sortir son liquide volontairement. Le fait de faire sortir son liquide volontairement, c'est-à-dire le mani, le sperme. Ceci est un annulatif du jeûne. Quelle que soit la méthode utilisée, que ce soit la masturbation, qui est haram, que ce soit, donc lorsque c'est fait par la personne elle-même, que ce soit en regardant une chose qui suscite le désir, que ce soit en se frottant à la femme, ou toute autre méthode. Si le liquide sort, celui-ci précisément, alors il aura rompu son jeûne. Alors il aura rompu son jeûne. Parmi les annulatifs du jeûne, il y a le fait de mettre des gouttes dans le nez, et ensuite ça descend. Quant aux gouttes dans les yeux et les oreilles, cela n'annule pas le jeûne. Enfin, le plus grand des annulatifs et le plus grave, c'est le jima. C'est c'est l'acte, les relations sexuelles. Ceci est le plus grand annulatif après ridda, car il y a trois choses qui incombent à la personne qui tombe dedans. Trois choses incombent à la personne qui est tombée dans cette faute gravissime. La première est taubatu ilallah. La première, c'est le repentir. Le repentir. Car il a commis un grand péché. Naam, car il a commis un grand péché. La deuxième chose, c'est qu'il doit attraper ce jour de jeûne. Il doit attraper ce jour de jeûne. Et la troisième chose, c'est qu'il doit, c'est qu'il a la kafara, l'expiation sévère. Il y a l'expiation sévère. C'est-à-dire, il doit affranchir un esclave, lorsqu'il y en avait. S'il n'en trouve pas ou n'a pas la capacité, il doit jeûner 2 mois consécutifs. Et quand on dit consécutif, c'est-à-dire que s'il coupe un seul jour, il doit recommencer du début. Sauf s'il a une excuse, comme la maladie ou le voyage, sans voyager seulement pour couper le jeûne. Troisième excuse, le jour du Eid, ou les jours du Eid, il n'a pas le droit de les jeûner. S'il n'a pas la capacité de jeûner 2 mois consécutifs, et ça c'est entre lui et Allah Azza wa Jalla, il sera jugé pour cela, alors il doit nourrir 60 pauvres. Alors il doit nourrir 60 pauvres. Et cette expiation vient du hadith dans lequel le prophète alayhi salat wa salam a reçu la venue d'un homme qui lui a dit « Halakt ya Rasulallah, je suis anéanti au messager d'Allah ». Il lui a dit « Wa ma halakak ?» Qu'est-ce qui t'a anéanti ? Il lui a dit « Waqa'tu ala ahli fi nahar Ramadan ». J'ai eu des rapports avec mon épouse dans la journée de Ramadan. Alors le prophète alayhi salat wa salam lui a dit, est-ce que tu trouves un esclave à franchir? Il lui a dit non. Il lui a dit, est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs? Il lui a dit, Allah sallallahu, est-ce que j'ai commis cet acte si ce n'est en état de jeûne? Je ne peux pas. Puis le prophète alayhi salam s'est tu. Plus tard, une personne lui a apporté un seau de dattes, un récipient rempli de dattes. Il a dit, Aina sa'il, où est celui qui me questionnait? On lui a dit là. Il lui a dit, tiens, Naam. Ou plutôt, il lui avait dit, nourris 60 pauvres. Nourris 60 pauvres. Et lui était très pauvre, il a dit, j'ai pas la capacité. Plus tard, on a donné le seau de date au prophète, alayhi salat wa salam, qui l'a appelé, il lui a dit, tiens, nourris cela pour ton expiation. L'homme est parti, puis il a dit, ya Rasulallah, awa ala fqari min. Ya Rasulallah, est-ce que je dois donner cela à plus pauvre que ma famille? Par Allah, il n'y a pas entre ces deux contrées plus pauvres que la mienne. Le prophète, alayhi salat wa salam, a ri, puis il lui a dit, at'im biha ahlak, nourris avec cela ta famille. Le prophète, alayhi salam, a souri parce qu'il est venu dans une situation des plus déconcertantes, des plus bouleversantes. Elle était terrible, sa situation, éprouvante. Et à la fin, Allah, azza wa jalla, lui donne le secours. Allah, azza wa jalla, lui donne la délivrance à un point tel qu'il repart avec de la nourriture pour sa propre famille. La situation est très étonnante. Elle est très étonnante. Et montre la grande miséricorde d'Allah Azza wa Jalla envers son serviteur qui vient ayant peur de lui, effrayé à sa rencontre, à l'idée de sa rencontre. Allah Azza wa Jalla lui donne une issue favorable. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et quiconque craint Allah, il lui accorde une issue favorable. Le septième point, les savants, après avoir parlé de cette question-là, parlent du jugement de Al-Mubashara. Du jugement de Al-Mubashara. Le fait de s'amuser avec l'épouse, mais sans accomplir l'acte pour autant. Le premier point, celui qui embrasse la femme sans pour autant commettre l'acte avec elle. Quel est le jugement de cela? Est-ce qu'il a rompu son jeûne ou non? Ceci se divise en deux. Si en jouant avec elle, faisant des préliminaires, l'embrassant, la touchant et autres, il fait sortir son liquide par cette cause, alors il a rompu son jeûne. Il doit se repentir et il doit attraper ce jour. Mais il n'a pas d'expiation, l'expiation étant seulement pour les rapports. Donc lui, du fait qu'il ait éjaculé, il a annulé son jeûne. Il a annulé son jeûne. Il doit se repentir, il doit le rattraper. Le deuxième cas, il s'amuse avec son épouse, mais il n'y a pas d'éjaculation. Celui-ci n'a pas rompu son jeûne. Donc, il n'a pas à le rattraper. Son jeûne est valable. Son jeûne est valable. Et les savants posent la question, est-ce que le jeûneur peut embrasser? Est-ce que le jeûneur peut embrasser son épouse? Les savants disent, ça se divise en deux. S'il sait de sa personne qu'il se contrôle et gère ces choses-là, alors ça lui est licite. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, comme le dira, il embrassait son épouse alors qu'il était en état de jeûne. Le deuxième cas, c'est celui qui connaît, qui sait de lui-même qu'il ne contrôlera pas la suite et qu'il se peut qu'il se laisse aller à plus. Dans ce cas-là, il ne doit pas faire cela car la législation nous montre qu'on délaisse les choses permises si ça peut nous faire tomber dans l'interdit. Ça peut nous faire tomber dans l'interdit. Autre question, quel est le jugement de celui qui se réveille en état de pollution majeure? Est-ce que ça annule son jeûne ou non? Imaginez la personne, elle est partie dormir, elle se réveille et elle a fait un rêve. Et au réveil, elle trouve le liquide. Il est en état de junab. Hein? Quel est le jugement de son jeûne? Son jeûne est valable et il n'a pas commis de faute. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Et Allah nous dit, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ou Allah ne nous tient pas rigueur si nous oublions ou nous nous trompons. Et l'autre traduction, Allah ne charge pas une âme au-dessus de sa capacité. Donc cela n'est pas de son ressort, ça n'a pas été fait volontairement. La huitième question, qada ou ayam min ayam Ramadan. Qu'en est-il du rattrapage de jours manqués de jeûne du mois de Ramadan? Est-ce qu'on est obligé de les rattraper succinctement, rapidement, ou est-ce que nous avons la permission de les rattraper en différé et de manière séparée? Premièrement, pour séparer ou coller, la réponse est qu'on a le droit de les séparer, de rattraper un jour par-ci, un jour par-là, une semaine par-ici, une semaine par-là. Cela est laissé au bon vouloir de chacun. Le deuxième point, c'est que le rattrapage est obligatoire, mais dans un temps vaste, pas dans un temps serré. Par exemple, lorsque tu rates sur une prière, parce que tu t'es endormi ou tu as oublié, le rattrapage, il est al-fawr. Il est rapide. Il doit être fait dès que possible. Pour le jeûne du mois de Ramadan, le rattrapage est large. C'est-à-dire que tu as 11 mois pour le rattraper. Tu n'as pas l'obligation de t'empresser de le rattraper. Sauf dans un cas, si le nombre de jours qu'il te reste à rattraper est égal au nombre de jours qu'il te reste du mois de Sha'ban. Dans ce cas-là, c'est obligatoire de les rattraper à la suite et donc rapidement. À la suite et donc rapidement. Mais quelle est la meilleure chose à faire? La meilleure chose à faire, c'est de rattraper rapidement, sauf pour celui qui a une excuse. La meilleure chose à faire, c'est de les rattraper rapidement. Pourquoi? Parce que il aura préservé sa religion, sa religiosité. Il n'aura pas oublié, il ne se sera pas trompé, et ainsi de suite. Certaines personnes ne rattrapent pas et se disent j'ai le temps. Et au final, disent subhanallah, j'ai oublié. Il me restait 10 jours, il me restait 5 jours, il me restait 3 jours. Et il reste très peu de jours de Ramadan. À un point tel que certaines personnes débordent sur Ramadan alors qu'elles n'ont aucune excuse, elles tombent ainsi dans le péché. Donc le mieux, c'est de rattraper rapidement. Sauf la personne qui a une excuse. Aïcha radiallahu anha, par exemple, disait qu'elle ne rattrapait pas ses jours manqués si ce n'est dans le mois de Sha'ban. Parce qu'elle était occupée au service du prophète alayhi salatu wassalam. Naam, هكذا بارك الله فيكم. La neuvième question, mustahabbat ou siyam, les choses recommandées dans le mois de Ramadan. Les choses recommandées dans le mois de Ramadan. Premièrement, as-sahur, le repas de la fin de la nuit. Le prophète alayhi salat wa salam a dit as-saharu fa inna fi as-sahur baraka. Prenez le repas de la fin de la nuit. Il y a certes dans ce repas une bénédiction. Tu te renforces pour le jeûne. Tu n'es pas lassé, blasé d'enchaîner les jours. Tu prends des forces. Tu continues à prendre du plaisir dans la nourriture. Donc tu jeûnes avec plaisir. Tu te soumets encore mieux parce que tu jeûnes dans un temps déterminé. Tu différencies ton jeûne du jeûne de personnes d'autres religions et ainsi de suite. Aussi, tu es réveillé au dernier tiers de la nuit, le moment où Allah Azza wa Jal descend ciel de ce bas monde et exauce les invocations. Donc tu peux faire du'a, tu peux faire du dhikr. Tu es réveillé pour la prière du subh et d'autres bénédictions encore qu'Allah Azza wa Jal connaît. Donc tasahharu fa inna fi sahuri baraka, apporté par le Bukhari Muslim sur Anas, c'est une des sunnas les plus importantes. Et la sunna, c'est de retarder ce repas, de le prendre lorsqu'il reste peu de, yani que quelques minutes avant le fajr. Naam, que quelques minutes avant le fajr, disons 10. Naam, le temps de lire 60 versets. Et parmi la sunna, le fait de manger des dattes au sahur. Le prophète alayhi salat wa salam a dit dans le hadith d'Abi Huraira, ni'ma sahur il mu'min at-tamr. Quel bon sahur pour le croyant, la date. Apporté par Abu Daoud. Et le sahur, c'est le repas. Al-sahur, c'est l'action de prendre ce repas. Et sahar, c'est le temps de la fin de la nuit. Donc la sunna, c'est de retarder le sahur. La première sunna, le sahur. Deuxième, manger des dattes durant celui-ci, entre autres. La troisième, le retarder. La quatrième sunna, c'est al-fitr mata tahaqqaqa ghurub ash-shams. Rompre le jeûne dès lors qu'on est sûr que le soleil s'est couché. Et Sahl ibn Sa'd nous dit que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait « La yazalu nasu bi khayr ma ajjalu al-fitr » Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne, c'est-à-dire une fois le soleil couché. Apporté par le Bukhari Muslim. Tout à l'heure j'ai dit 60 versets, c'est 50 versets dans le hadith al-Bukhari. Dans le Zayd ibn Thabit, le prophète alayhi salat wa salam a fait le sahur avec eux. Et Anas lui a dit combien de temps y a-t-il eu entre l'adhan et le sahur? Il lui a dit le temps de 50 versets, rapporté par le Bukhari. Parmi les choses recommandées, le fait de faire des efforts dans l'adoration. Le fait de faire des efforts dans l'adoration. Laylatul Qadr est khayru min alf shahr. La nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire, il est bon de faire des adorations. Il y a aussi, parmi les choses recommandées, le fait de rompre le jeûne en mangeant des dattes fraîches. Si on n'en trouve pas des dattes sèches, si on n'en trouve pas quelques gorgées. Al-Rutaba sont les dates fraîches. Al-Tamarat, les dates sèches. Parmi les choses recommandées, le fait de nourrir des jeûneurs et la générosité, particulièrement envers les gens dans le besoin. Car pour chaque personne que tu aides à rompre le jeûne, tu as la récompense de son jeûne également. Prier la nuit, Salat al-Tarawih. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque prie la nuit de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner ses péchés passés. Et le même hadith pour celui qui prie laylatul qadr. Et celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il parte, il a la récompense d'avoir prié la nuit. ou la moitié de la nuit. Et le prophète sallam était la personne la plus généreuse. Et sa générosité atteignait son point culminant dans le mois de Ramadan, encore plus généreux que les vents annonciateurs de bonnes nouvelles. Parmi les sunan, le fait de veiller les 10 dernières nuits de Ramadan avec la prière, avec le dua. Avec la prière, avec le dua. C'est pas toutes les adorations qui sont plus méritoires ou qui sont méritoires dans les 10 dernières nuits, mais elles sont spécifiques, comme la prière, comme le dua. Mais par exemple, la sadaqa. Beaucoup attendent les dernières nuits de Ramadan pour faire les sadaqat. Il n'y a pas, à ma connaissance, selon ce que j'ai entendu des savants, de choses méritoires à retarder la sadaqa. Non. Déjà, tu peux mourir. Déjà, tu peux ne plus avoir les moyens. Des fois, déjà, tu peux faiblir. Donc, il faut s'empresser de faire sa sadaqa. Et si à la fin de Ramadan, tu es vivant et tu as l'iman et la capacité, alhamdoulilah, tu auras fait au début, au milieu et à la fin. Au début, au milieu et à la fin. Et, naam, chercher laylatul qadr, faire al-i'tikaf aussi. Al-i'tikaf. Naam. Et beaucoup de dua, particulièrement, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, tu es absoluteur, tu aimes l'absolution, absous mes fautes. Et le fait de faire le dua en état de jeûne, c'est un moment de dua. Et pour finir, ou avant ça, Mada, le fait de se contrôler et de dire inni sa'im, inni mrun sa'im, lorsqu'une personne te provoque ou peut affecter ton comportement et ton jeûne, ou tente de te nuire, tu dis inni sa'im. Pour préserver ton jeûne et ne pas surenchérir, ainsi de suite. Tu as la capacité de répondre, tu as l'éloquence pour, tu as la force pour lui répondre, tu es fort et ainsi de suite, mais tu préserves ton jeûne, tu veux préserver cette piété, tu veux préserver ses récompenses. Alors tu ne perds pas ton temps et tu ne nourris pas le shaitan comme tu ne nourrirais pas la personne comme shaitan la nourrit. Wala hawla wala quwwata illa billah. À nouveau une éducation dans l'école du jeûne. La lecture du Coran. Essayez de finir le Coran au moins une fois. C'est le mois du Coran. Enfin, al-i'timar fi Ramadan. Le fait de faire une umrah dans le mois de Ramadan, que ce soit au début, au milieu, à la fin. Le fait de faire une umrah. Car le prophète alayhi salat wa salam dit, une umrah dans Ramadan équivaut à un pèlerinage avec moi. Une umrah dans le mois de Ramadan équivaut à un pèlerinage avec moi. Donc c'est une chose vraiment qui est méritoire. Il faut essayer tant qu'Allah Azza wa Jal nous donne la santé, tant qu'Allah Azza wa Jal nous donne les moyens de faire l'Umrah chaque année dans le mois de Ramadan. C'est l'Umrah la plus difficile, certes. C'est l'Umrah dans laquelle il y a le plus de monde, certes. Mais vraiment les récompenses sont immenses. Wallahu al-musta'an. Le dernier point, le dixième point, le cas de la femme enceinte et de la femme qui allait. Le cas de la femme enceinte et le cas de la femme qui allait. Quant à la femme qui est indisposée, menstruée ou lochi, son cas est simple. Elle ne peut jeûner, elle note les jours manqués et elle les rattrape. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Même si ça dure un an, deux ans, trois ans, pourquoi? Parce qu'elle est enceinte, elle n'arrive pas à jeûner, puis elle allait, elle n'arrive pas, puis. D'accord? Donc, il lui reste toujours ses jours. Cette personne, quand elle le pourra, elle le rattrapera. Mais là, la question qui est plus subtile et qui requiert plus de détails et de questions, c'est la femme qui est enceinte ou la femme qui allait. Quelle est leur situation? Quel est leur cas? Leur situation, leur état, c'est que il y a plusieurs cas. Premièrement, la femme qui est enceinte et la femme qui allait, mais qui ne trouve aucune difficulté particulière à jeûner. Ni ça la fatigue plus que d'habitude, ni ça lui cause du tort, ni elle craint pour l'enfant, ni elle a une diminution de lait, et ainsi de suite. Elle a ce qu'il lui faut pour allaiter son enfant. Cette personne-là, elle doit jeûner. Cette personne-là doit jeûner. Le deuxième cas, c'est le cas de la femme qui allait ou est enceinte et en jeûnant, ça lui cause une nuisance. En jeûnant, ça lui cause une nuisance. Soit sur sa propre personne, soit sur son enfant. Soit sur sa propre personne, soit sur son enfant. Par exemple, elle manque de lait. Par exemple, elle craint pour le fœtus, et ainsi de suite. Cette personne-là, donc où elle est trop faible, et ainsi de suite, elle rompt le jeûne. Elle a le jugement du malade. Elle rompt le jeûne. Puis, elle le rattrape, c'est l'avis de certains savants. Et d'autres savants disent, elle peut nourrir un pauvre par jour, non jeûné. En prenant la fatwa d'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui dit que la femme enceinte et la femme qui allait, elles rompent le jeûne et elles nourrissent un pauvre par jour. Comment est-ce qu'elles vont nourrir un pauvre par jour? Soit elles vont cuisiner ou inviter le nombre de pauvres par jour dans le mois qu'il y a eu, dans un restaurant ou en cuisinant, et elle va nourrir à satiété chacune de ces personnes. Donc la première chose, c'est de donner de la nourriture déjà préparée. La deuxième méthode, c'est de donner des denrées alimentaires non préparées, à raison de la moitié d'un sa'a. Qu'est-ce qu'un sa'a? Un sa'a, c'est 4 fois tes mains jointes dans le récipient et tu prends de la nourriture. Par exemple, 4 fois tes mains jointes, tu prends du riz. Ça, c'est un sa'a. Ce qu'il faut donner, c'est la moitié d'un sa'a. Donc, à supposer qu'un sa'a, c'est 2,5 kg de riz, la moitié d'un sa'a, ça sera 1,250 kg. Donc, tu multiplies cela par le nombre de jours, 29 ou 30, et tu donnes cela. Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, dit, dans le cas où on nourrit un pauvre, il est bon d'ajouter des condiments ou bien de la viande pour que la personne puisse préparer la nourriture. Tu vas offrir, par exemple, une voiture de luxe à un pauvre. Il ne pourra même pas payer l'assurance. Il ne pourra même pas changer une roue. Parce que changer les quatre roues, ça lui fera plus que 1000 euros. Donc, si tu lui offres ça, il faut que tu lui offres les moyens de l'avoir. De la même manière, si tu offres du riz au pauvre, donne-lui de l'huile, donne-lui des légumes ou bien de la viande avec. C'est une bonne chose. Ça n'est pas obligatoire, mais c'est une bonne chose. Barakallahu fikoum. Le troisième cas, c'est celle qui, en jeûnant, se cause du tort. Ça touche à son intégrité, à sa santé. Ça cause du tort à l'enfant, il n'a plus de lait, il ne peut pas s'allaiter. Ou ça cause du tort au fœtus qui est dans le ventre. Il ne peut se développer ou ça lui cause du tort. Et les médecins de confiance disent elle n'a pas le droit de jeûner. À ce moment-là, elle doit rompre le jeûne et ça lui est interdit de jeûner. À ce moment-là, elle doit rompre le jeûne et ça lui est interdit de jeûner. Et pareillement, soit elle rattrape ses jours, si elle a la capacité, soit elle nourrit un pauvre par jour non jeûné. Soit elle nourrit un pauvre par jour, non jeûné, en prenant la fatwa de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Donc voici 10 questions religieuses. Voici 10 questions religieuses. Beaucoup de personnes ont interrogé sur le voyageur qui commence le jeûne dans un pays et qui finit dans un autre pays. Et ces deux pays-là n'ont pas commencé en même temps, ne finissent pas en même temps, que faire? Inch'Allah ta'ala, dans le prochain cours, on répondra à cela de manière détaillée. Wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم اشفنا واشف مرضانا ضر المسلمين، واقضي عنا ديوننا وديون المسلمين. اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين، اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مقلب القلوب، قلب قلوبنا على دينك. والله أعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.